Après cette pantomime, les deux comédiens, Gonzague et son épouse Batista, dialoguent. Gonzague. Vraiment, amour, il faut que je te quitte, et bientôt. Mes facultés actives se refusent à remplir la fonction. Toi, tu vivras après moi dans ce monde si beau, honoré, chéri. Et peut-être, un homme aussi bon, se présentant pour époux, tu... Batista. Oh, grâce du reste, un tel amour dans mon cœur serait trahison. Que je sois maudit dans un second mari. Nul n'épouse le second sans tuer le premier. Gonzague. Ainsi, tu crois ne jamais prendre un second mari. Mais meurt ton premier maître. Tes idées mourront avec lui. Batista. Que la terre me refuse la nourriture et le ciel la lumière. Si, une fois veuve, je redeviens épouse. Gonzague. Voilà un serment profond. Cher, laissez-moi un moment. Ma tête s'appesantit, et je tromperai volontiers les ennuis du jour par le sommeil. Il s'endort. Batista. Que le sommeil berce ton cerveau, et que jamais le malheur ne se mette entre nous deux. Elle sort. Hamlet à la reine. Madame, comment trouvez-vous cette pièce? La reine. La dame fait trop de protestations, ce me semble. Hamlet. Oh! Pourvu qu'elle tienne parole. Le roi. Connaissez-vous le sujet de la pièce? Tout y est-il inoffensif? Hamlet. Oui, oui, ils font tout cela pour rire. Du poison pour rire. Rien d'inoffensif. Le roi. Comment appelez-vous la pièce? La souricière. Comment? Par Dieu, au figuré. Cette pièce est le tableau d'un meurtre commis à Vienne. Le duc s'appelle Gonzague. Sa femme Batista. Vous allez voir, c'est une œuvre infâme. Mais qu'importe. Votre Majesté et moi, nous avons la conscience libre. Cela ne nous touche pas. Que les rosses que cela écorche, rue. Nous n'avons pas les chines entamées.